my life. Life. Uriah Heep avec Stealin', tiré de l'album Sweet Freedom de 1973. Un autre petit solo, là. Vraiment pas compliqué, là, mais tellement mélodique, tellement mémorable et chantant, là. Que... Ouais, je comprends pas. Non? Non, Uriah Heep, c'est un boys band. Depuis quand les boys bands font des solos? Ah, tu t'es trompé, là. C'est pas un boys band, là, non? Uriah Heep. Non. Non, non. Pas un girls band, en tout cas. Non, sûrement pas. Hein. Vraiment pas. Mais non, c'était vraiment bien. Oui, oui. Et juste avant ça, on a entendu un vrai boys band. Mais non. Les Beatles. Ben, c'est quatre garçons, indéniablement. Garçons dans le vent. Non, mais c'est drôle parce que je l'ai expliqué à l'émission. Je vois quelqu'un avec qui je travaille m'est arrivé avec ça. C'est un boys band. Mais non, qu'est-ce que tu racontes là? Un boys band, c'est des petits garçons qui chantent, qui dansent, qui savent. Qui ont été castés. Oui, par un producteur. Ben oui, alors que les Beatles, ils ont travaillé pendant des années, et dans des endroits vraiment là, où miteux. On était très miteux et carrément dangereux. Ouais. Là. Et lorsque tu joues pour une bande de marins sous, là, à Hambourg, là. Des marins sous? C'est pareil des maringouins, ça? Des marins sous. Oui, mais c'est plus dangereux, les maringouins. Ah, okay. C'est plus gros. Tu donnes une tape, c'est fini. Avec un marin, ça va prendre pas mal de tapes. Surtout sous. Ce qu'on a entendu, c'est Something, très beau solo de George Harrison, encore là, très grande économie de notes, mais absolument mémorable. C'est tiré de l'album Abbey Road de 69. Et au début du bloc, nous avons entendu Paul McCartney and Wings avec My Love, un classique tiré de l'album Red Rose Speedway de 1973. Un solo absolument mémorable de Henry McCulloch, là, qui est sublime, absolument sublime. C'était pas mal bien. Vous êtes à l'émission Rock Classique, la millième, et aujourd'hui, nous vous présentons les meilleurs solos de rock de toute l'histoire. Oui, monsieur. Oui, j'étais pas capable de décider, docteur, j'étais pas capable de décider avec notre prochain guitariste, qui est Ace Frehley, de quel est le meilleur solo d'Ace Frehley avec... T'avais à ce point-là de difficulté. Ouais. Alors, j'ai décidé de pas décider et puis d'y mettre toutes les deux. Hein? Ben, moi, tu vois, j'aurais encore réglé ça plus facilement. Aucune. Il est pourri. Malheureusement, il y a plein de gens qui pensent ça. Et si vous avez tort. Vous avez tort. Ace Frehley, c'est un excellent guitariste. On va aller l'écouter avec un solo. Il faut être vraiment scindé pour passer un solo comme ça. So, 100,000 years. Hein? Vous êtes allé... Vous êtes là où il y a du vrai rock, hein? Ben, je suppose, oui. Ouais, ben vraiment. Ah, c'est fou, hein? Yeah. We'll be right back. jouer, docteur, c'était Ace Willy de Kiss. Oui, avec la version en concert de She, tirée de l'album Alive, ce classique et chef-d'œuvre de 1975. Mm-hmm. Et c'était précédé de la pièce version studio de 100,000 Years, tirée du premier album homonyme de Kiss. De qui? De Kiss! Oui, tu sais, Ace Frehley, il se faisait tout le temps écœuré parce que c'est un gars très sloppy, paresseux, et puis il se faisait tout le temps dire par James Evans que c'était un épais. Alors, à un moment donné, cette année, puis il a dit aux autres gars, il dit, ouais, il dit, moi, je suis convaincu de mes capacités intellectuelles, on va aller tous passer un test de QI. OK. Et ils sont tous allés, et puis ils ont eu la surprise de voir qu'Ace, il y avait un QI de 160. C'est quand même pas rien. Ben, c'est quelque chose, là. C'est le même que Stephen Hawking, là. Mm-hmm. Alors, ça prend un gros QI, je pense, pour passer un solo comme celui de 100,000 Years. C'est complètement capoté, là. Et ça en prend un petit pour pas l'admirer. Ouais, exactement. Tu sais, Ace, c'est un guitariste qui prône aussi l'économie de notes. Hein, oui. Parce que ben lui, il aime pas ça, là, les solos à l'emporte-pièce à la Yngwie Malmsteen. Alors, lui, un solo. Il vraiment pas, lui. Ben, parce que c'est le meilleur exemple d'un type qui en fait trop. Il en fait trop, puis c'est pas beau. C'est pas beau. C'est ridicule. Hein? Ben oui. Ace Frehley, ben, il pense qu'un solo, ben, ça se fait en quelques mesures, là. Pas plus que quatre mesures. Et puis, faut que ce soit chantant, faut que ce soit mémorable. Alors, ben oui. Ace a toujours réussi à faire ça. Chapeau Ace Frehley. Ben oui. Mais ça l'empêchait pas d'être paresseux, par contre. Bon, oui, il est très paresseux, mais il est le premier à le dire aussi. Ouais. Moi, je suis le deuxième. Oui. Vous êtes à la 1000e émission Rock Classique en compagnie du docteur ce paresseux et moi-même, Alain Lefebvre. Et là, on va y aller avec un bloc qui est commun. Oui. Parce qu'on a choisi chacune une pièce d'Aerosmith. Ouais. Ils n'étaient pas avec les mêmes guitaristes. C'est ça qui est particulier. Ouais. Moi, c'est avec Lucien Francoeur. Non. Lucien Francoeur, il a jamais joué de guitare dans Aerosmith. Il jouait de la guitare avec qui? Je pense pas qu'il jouait de la guitare. En tout cas, j'ai jamais vu jouer de la guitare. Là, t'as choisi une pièce de la période où Joe Perry et Brad Whitford ne faisaient pas partie du groupe, que c'était Jimmy Crespo et comment ça s'appelait? Rick Duffy. Qui jouait. Oui. Donc, c'est le seul album qu'ils ont enregistré sans leur duo de guitaristes légendaires, hein, ouais. Perry Whitford. Une pièce de l'album Rockin' Hard Place. Mais avant ça, on va écouter la pièce qui, selon moi, est la plus mémorable, ben, du moins au niveau du solo de guitare de Joe Perry. Hein, il s'agit de Walk This Way. Hein, vous connaissez Walt ça, Disney, hein? Ben oui. Oui. Vous êtes sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. C'est ça. Oui. Yeah, yeah, just look at this food, so that's what I'm love, always hide beneath the covers, cause I talk to you, my daddy, I say. Said you ain't seen nothing till you download them up, and then you're sure to be a change in ways. I met a cheerleader, was a real young breed, all the times I can reminisce. All the best things of loving with a sister and a cousin, only started with a little kiss like this. Was ready to play. Wasn't me, she was fooling, cause she knew what she was doing when she called.

9-11. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. Et un solo ridicule. Mais il était parfait, ça, là. Ben non, voyons, Alain, il est temps que tu te rends compte de la vérité de la vie, là. C'est pas toujours beau comme tu le penses. Un beau solo en harmonie. Non, on a vu ça mardi dernier, que la vie, c'est pas toujours beau. Il y avait... Mardi soir, c'est assez consternant. Ouais. Il y avait même un petit dicton qui exprimait bien la chose. Et la vie, c'est une beurre et de marbre, plus ça va, moins il y a de pain. C'est chic, ça, docteur! Ouais. C'est tiré de l'album Jailbreak de 1976 et ça mettait en vedette le duo, je dirais classique, The Thin Lizzy's, ouais, Brian Robertson et Scott Gorham. Hein. Mm-hmm. Et juste avant ça, on a entendu deux pièces d'Aerosmith, dont un choix du docteur. Oui, absolument. Lightning Strikes, qui est tiré de Rock in a Hard Place, qui est paru en 1982. Et effectivement, ça n'était pas le duo Crespo et Perry, bien sûr. Ouais. Crespo et Duffy. Et Duffy, voilà. Ouais, ouais. Mais c'est une excellente pièce. C'est un album sous-estimé, hein. Ben oui. Au départ. J'ai toujours dit, Rock and Hard Place, c'est un album sous-estimé. Il est très, très bon. Très bon album. Et j'aime beaucoup la, comment je pourrais dire, la subtilité, comment que le solo s'amène. Oui. Ça porte à la pièce. J'aime beaucoup, beaucoup la sonorité aussi de ce solo-là. Évidemment, ça aurait été plus fun de dire que c'était Joe Perry, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ben, là, on se reprend avec l'autre avant. Il l'avait congédié, et puis ouais. Brad Whitford, ben, lui, il avait décidé de s'en aller parce que... Ça allait chez sa grand-mère, ben, je pense. Non. Il n'y a pas de grand-mère. Mais c'est parce que ça allait très mal à l'intérieur des Aerosmith, surtout en grande partie dû à la très grande toxicomanie de Steven Tyler. Alors, ben, les deux guitaristes emblématiques n'étaient plus là. Ils avaient été remplacés par deux types vraiment très, très compétents. Oui. En spectacle, c'était autre chose, par exemple. Là, ben, c'était évidemment pas des membres d'Aerosmith. Ben, ils étaient considérés comme des membres. Oui, mais je veux dire, la chimie, là. Ouais, non. Ben, sur scène, on voyait que, ben, ils étaient pas très bons sur scène. Ouais. Et puis, Rick Duffy, il était tellement drogué, ça en était, wow. Là. Est-ce que c'était pareil avec Patrick? Non, je pense pas. Non. Aquaman. Oui, non, mais je pensais plus. Non, c'était pas Aquaman qui faisait, c'était The Man from Atlantis. Ah oui, c'est vrai. Et puis, il y a un épisode dans un South Park où le cul crapoc. C'est un monstre qui a un bras en. Un jump en céleri et l'autre en Patrick Duffy. Oui. Ridicule. Donc, ça n'a pas rapport à Rick Duffy. Ce qu'on a entendu au début du bloc, ben oui, c'est le fameux duo emblématique et classique d'Aerosmith, Joe Perry, Brad Whitford, avec Walk This Way, solo de Joe Perry, qu'on retrouve sur l'album Toys in the Attic, un de leurs chefs-d'œuvre, paru en 1975. Oui. Et là, on n'était pas dans l'économie de notes là, pour ce qui était de Walk This Way, mais je dirais que Boys Are Back and Down, en tout cas, c'était l'économie de notes. Et puis, on va rester... on va revenir là-dessus un peu plus tard. Mention honorable, on n'a pas voulu le passer, là, mais c'est un solo qui est vraiment extrêmement mémorable là, de 1976, celui de Hotel California. Effectivement. Oui, mais on veut pas passer ça, là, parce que le docteur me l'a dit, là, s'il entend ça, là, il va faire une crise d'apoplexie. Mais je commence par tout détruire avant. Oui, c'est ça. Alors, pas d'Hotel California, on l'a jamais fait jouer avec les Rock Classic et on le fera jamais jouer. Non, à moins que ce soit dans... Non, même pas. Parce que c'est une bonne pièce, Hotel California. Ouais, mais c'est pas assez brûlé. Brûlé. Je suis plus capable d'entendre. C'est ça, exactement. On est tanné de ça, là. Ça a trop joué. Aussi, on avait mis dans nos choix Stranglehold, hein, de Ted Nugent. De cet imbécile de Ted Nugent. Mais là, ça nous tente pas de l'entendre cette semaine, là. Ted Nugent, là. Ben, on l'a passé de toute façon il y a peu de temps, Stranglehold. Oui, c'est ça. Mais c'est un super beau solo. Mais juste le fait qu'il a joué, là, la veille des élections, là, pour Donald Trump, là. Je me rappelle pas dans quelle ville c'était. Je sais pas si c'était Cleveland ou. On veut pas l'entendre. Là. Ça nous tente pas cette semaine. Là. Il nous déprime, là, lui. D'ailleurs, là. En parlant de Ted Nugent, chose intéressante, notre ami Tower, sa copine a des poissons. Oui. Et il a le loisir de baptiser les poissons. Mm-hmm. Il a appelé un Ted Nugent. Oui, parce que c'est un poisson clown. Mais voilà, exactement. Alors bravo, c'est tout à fait approprié. Un poisson clown, c'était Ted Nugent. Ben oui. On va y aller avec un peu de Southern Rock. Ouais. J'avais choisi comme pièce une pièce des Outlaws avec Green Grass and High Tides, mais on va la passer parce que le temps est limité. Là. Si on veut passer le maximum d'ici la fin, ben je la passerai une autre fois. Là. Green Grass and High Tides. Ouais. Mais là, le docteur a choisi une pièce de... Black Oak Arkansas. Ben une pièce instrumentale qui, ma foi, est pratiquement un solo tout le long. Ben oui, exactement. Et ça va nous mettre... j'aurais dû la passer la semaine prochaine. Ça aurait été plus de... Ben, c'est pas grave. Ça met la table pour une soirée festive. Oui. C'est la musique idéale, le thème idéal pour accompagner une bouteille de White Turkey. Ta précieuse dinde sauvage. Oui, c'est ça, exactement. Il s'agit de Moonshine Sonata. Vous êtes assez fou et nous aussi, évidemment. Ouais, bien sûr. C'est la bonne soirée. Tout à fait. Moonshine. Yeah. Ah, j'ai tellement hâte. Black Oak Arkansas. Ouais. Excellente pièce tirée de leur meilleur album, selon moi. Ben non, c'est pas vrai, mais c'est leur deuxième meilleur album, selon moi. Air the Hog, de, qui est paru en 73. Ah, ils en ont beaucoup, des meilleurs albums. Ben moi, j'ai le premier, bien entendu. Ouais, là, ouais. Black Oak, là, qui est vraiment un fétiche pour moi, mais Air the Hog est vraiment excellent aussi, à cause de cette pièce-là. Ouais. Ben oui, c'est un hymne. C'est un hymne, ça, Alain. Pour nous. Ben oui, oui tout à fait. On l'a dit, c'est de la trame sonore. On peut pas passer à côté lorsqu'on ouvre une bouteille de White Turkey. Hein? Ou de Jim Beam. Oui, exactement. Ben oui, voilà. J'espère que ça vous a plu. L'émission s'achève, il faut mieux. Aujourd'hui, nous vous présentons la 1000e émission classique. Et oui, 1000. Alors, question de souligner ça, de faire de quoi de spécial. Mais on a décidé de vous présenter les meilleurs solos de guitare de tous les temps. Oui. Selon nous, le Doc et moi. Là, vous allez avoir la paix de mes choix pendant un petit bout de temps. Oui, c'est vrai. Mais je vais tout massacrer pour la fin de l'émission. Oui, on va aller écouter dans un moment le Canadien Pat Travers. Hein, dans le temps qu'il était dans le Pat Travers Band. Ben oui. C'est ridicule. Absolument. Ben tout de suite, on écoute un guitariste montréalais. Hein, un autre guitar hero. Oui, oui, vraiment. Et puis ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado. C'est excellent. L'album Live 1978. Oui. On écoute Talking About a Feeling. C'est excellent. Et plein d'affaires qui déboulent comme ça. Avec son chant de pédale. Oui, exactement. Parce que c'est pas juste Talking About a Feeling. Vous êtes assez fou. We'll be right back. Thank you.

foot. I've been looking for my baby all night. If I get her in my sight, boom, boom, boom, boom. Take it Pat Travers Band avec leur immense classique Boom Boom. Oh, Girls Alive! Exactement. C'est tiré de l'album Go For What You Know, qui est, pour moi, c'est un immense classique. Ben oui. Je l'ai écouté des milliers de fois, ce disque-là. Ah, moi, mille une fois. Qui paiera en 1980. Oui, oui, oui. Et juste avant ça, on a entendu une autre pièce en spectacle de Frank Marino and Mahogany Rush, Talking About a Feeling. Mais en fait, on retrouve, c'était une espèce de medley. Ouais. Hein, on retrouve, en bon français, du pot-pourri. Du pot-pourri. On retrouve, entre autres, dans cette pièce, World Anthem, Electric Reflections of War, un petit bout de Who Do You Love. Et c'est très bon et ça vient de l'album tout simplement intitulé Live. Paru en 1978 dans une pochette noire. C'est un classique. Oui, vraiment. Hein, ouais. Ça a bercé mon adolescence. J'aime encore l'écouter, cet album-là. Ben oui. C'est très intense. C'est absolument. Très bon. Vous êtes à l'émission avec la chic? Avec la chic. Oui, la chic. C'est la millième. Camille Sanson possède. Oui! Va des rétros, Satanas. Aujourd'hui, nous vous présentons la millième émission en classique. Et puis ton calé. Et oui. Et pour souligner la chose, nous vous présentons les meilleurs solos de guitare de tous les temps, selon nous. Hein? Oui. Mm-hmm. Qui s'avère être pas loin de la vérité non plus. Ben oui. Hein, parce qu'on a du goût quand même. Hein? En tout cas, c'est je l'ai expliqué la semaine dernière. Il y a deux semaines, j'ai reçu l'édition de novembre du magazine anglais Classic Rock. Oui, qui avait un article spécial. C'est ça. Ben, en fait, c'est le thème, les meilleurs solos de guitare de tous les temps. Alors, moi, j'étais consterné. Ah, non. Sauf que je me mets à lire ça, puis nos choix sont vraiment différents. Oui, à ce point-là. Ben, il y en a qui reviennent, là, comme Free Bird de Lynyrd Skynyrd, Walk This Way d'Aerosmith, mais le reste, non. Mais est-ce qu'il y aurait tendance à prendre aussi beaucoup de trucs plus récents? Non. Pas nécessairement, okay. Mais souvent, ça a été choisi par des musiciens qui sont quand même assez, assez connus, et puis eux, ben, ils ont des goûts, disons... des goûts de boîte. Pointu. Ben, la boue peut être pointue. Oui. Non, pas vraiment. Non. On va y aller avec un autre bloc en concert, hein, au cours duquel on va entendre AC/DC, on va entendre Cheap Trick, mais tout de suite. Ah, mais non, hey, il a fait le signe. Hey, c'est la millième, puis ben oui, je suis en train de l'oublier. Ben, il a cogné tout à l'heure, puis tu laisses pas tout ce temps-là à part, toi. Ben, on a Bobino avec nous. Bobino. Alors, salut Bobino, viens t'asseoir. Bonjour, mes tout petits. C'est Bobino qui vous parle. Oui. Ça fait tellement longtemps. Oui. Écoute, on s'est ennuyé. Puis, mais il n'est jamais bébé, le Quast. Non, qu'est-ce que tu fais de bon, Bobino? Bonjour, mes tout petits. C'est Bobino qui vous parle. Ah, ben oui, vu de même. Mais encore. Bonjour, mes tout petits. C'est Bobino qui vous parle. Ah, vous êtes un petit peu gêné, Bobino. Non, mais en fait, il faut dire qu'il ne s'est jamais vraiment remis de... De sa mort? De la fois qu'on lui a fait goûter du White Turkey. Il est resté un peu accroché. Désolé. Il y a Bobinette qui est supposé devenir aussi tout à l'heure. Là. Mais c'est quand même bien la part de Bobino de faire un petit détour. Oui, c'est malgré ça, son état de décomposition avancée. Il n'est pas tout là. Hein? Non, effectivement, non. Il n'est pas tout là. On les voit des UFO sur les ondes de CIFO. Yeah! We'll be right back. to want me.

ACDC! Oui, avec la version spectacle de Let There Be Rock. Tu veux dire un vrai concert devant des gens qui l'écoutaient? C'est ça. Oui, Bobinette. Qui a ouvert son micro, là? Pourquoi t'as fait ça encore, ta page? Mais encore? Ouais, toute une explication ridicule. En fait, il dit que c'est parce que ça faisait tellement longtemps que Bobinette n'était pas venue nous voir, qu'il s'ennuyait, puis que peu importe ce qu'elle aurait dit, il a rouvert son micro. Bon. Ouais. Il s'ennuie. Okay. Écoute, d'abord, Bobinette, c'est. C'était une belle gang, là, mais c'est. Ouais. C'est dissociable, là. Mais tu sais, il faut quand même avoir quelque chose de pertinent à dire, n'est-ce pas? C'est pas toujours le cas ici. Non, vraiment pas, là. C'est n'importe quoi, ça. Oui, effectivement. Oh, mais mes tout petits, n'écoutez pas ça. Bon. Bobino, on t'a assez vu, je pense que tu peux retourner dans ton sommeil éternel. Oui, oui, oui. Donc, on a entendu ACDC avec Let There Be Rock, la version concert qui est tirée du disque. Et ça, c'est vraiment un must pour les amateurs de rock. Disque en concert, If You Want Blood, You've Got It, de 1978. C'était précédé de Cheap Trick avec I Want You To Want Me. Ça vient de l'album At Budokan, un autre incontournable qui est paru en 1979 cette fois-là. Et la même année est paru l'album Strangers in the Night de UFO, dont on a entendu la version fantastique de Rock Bottom. Strangers in the Night. Oui, oui, oui. C'est oui, ça, c'est hein? C'est ça. Non, pas tout à fait. Non, probablement qu'ils ont voulu faire référence à ça, mais ça n'a pas rapport avec Good Old Frank. Et old que tu connais pas ça, la musique. Évidemment, Rock Bottom, c'est un solo de Michael Schenker, hein, qui était vraiment très flamboyant à l'époque et qui faisait que UFO était intéressant. Mm-hmm. Hein, ça a changé. Mr. Flying V. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous vous présentons la 1000e émission avec le cycle Docteur et moi. On vous présente pour souligner ça les meilleurs solos de guitare de tous les temps, hein? Oui. Ouais, on a entendu des fantastiques et c'est pas fini, là, hein? Ben non, hein? Parce que dans un moment, on va entendre Randy Rhoads, mais tout de suite, on écoute Van Halen, hein? Ah non, pas ça! Eruption, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Girl, Hit me!

Yeah. Une de mes préférées. Oui, le solo est fantastique. Ben, oui. Solo en harmonie ben, oui, est merveilleux. C'est tiré du deuxième album de Maiden, Killers, de 1981. C'était précédé de Judas Priest avec Electric Eye. Ça nous vient de l'album Screaming for Vengeance, paru en 82. Je me rappelle que sur cette tournée-là, ils ouvraient avec cette pièce. Et puis, c'est pas évident, le solo, il est très, très rapide. Et Glenn Tipton, là, il disait que c'était tout un défi de le jouer à tous les soirs. On a aussi entendu Randy Rhoads avec, avec Ozzy, bien sûr, la pièce Mr. Crawley, tirée du premier album d'Ozzy, Blizzard of Oz, de 1980. Et au début du bloc, nous avons entendu Van Halen avec Eruption, You Really Got Me, tiré leur premier et explosif album homonyme de 1978. Certes. Vous êtes à l'émission Rock Classic et nous vous présentons cette semaine, le docteur et moi, la millième émission. Eh oui, mille! Bravo! Hein, ça a pris plus que 20 ans, on y est arrivé, la millième émission Rock Classic. Et ben, question de souligner la chose, le docteur et moi, nous vous présentons le spécial, les meilleurs solos de guitare de tous les temps, selon nous. Hein? Ouais. Selon nous, mais qui reflète la vérité. L'humilité n'est pas notre attribut principal. Ouais. Et la semaine prochaine, évidemment, ça va être la 1001e émission. Puis là, on fait un spécial. Ben oui, c'est ça. Le docteur voulait qu'à cette occasion, on présente un concept autour des 1001 nuits, là, chez Razad, à Lapin. Ouais, mais ça vient plus là. Saddam Hussein, là, tous ces cossins-là, là. Mais j'ai dit que ça n'avait pas d'allure, hein. Ben non, parce que c'est le 3 pour 1. C'est ça, c'est le 3 pour 1. Alors, la semaine prochaine, c'est des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste ou groupe. Moi, ça va être ma dernière intervention. Ben parce oui, que, pour la millième, ils sacent son cas. Ben oui, ben vous savez, moi, je suis un athée très pratiquant. Alors, je pouvais pas manquer la grand-messe avec Papa Emeritus et Ghost soir au Métropolis. Mm-hmm. Alors, je vais quitter parce que je m'en vais pratiquer comme ça mon athéisme. Mm-hmm. Je vais vous laisser avec un dernier bloc rempli de solos à la porte-pièce, n'est-ce pas? Mais moi, je vais rester. Oui, ben oui, le docteur resta jusqu'à... Histoire de s'aborder l'émission jusqu'à la fin. Oui, exactement. Moi, j'ai commencé tout seul, une heure tout seul, oui. 10h et 11h. Je vais faire la dernière heure tout seul. Et ça, exactement. Fait que, mais ce qui est fun, c'est que ça fait une émission de 7h, en fait. Ben donc, oui. Une heure de plus pour... Puis ce qui est encore plus fun, c'est que la dernière heure, comme t'es pas là, je peux te dire n'importe quoi. Oui, et je suis convaincu que tu vas le faire. Hein? Dans le prochain bloc, on va entendre Sepultura avec... Je suis très étonné. Oui, ben c'est un super bon solo, ça, dans Altered State de l'album Arise de 91. Je me rappelle pas, honnêtement. Ah, c'était un bon solo, ça. Oui, oui. On va aussi entendre Slayer avec Evil Has No Boundaries. Ouais. Hein, on parlait de Kerry, le style chaotique, plein de notes. On dirait que ça n'a pas d'allure, mais ça en a. Mais ça, c'est dans le cerveau malade de Kerry King que ça se passe. C'est tiré de l'album j'en doute pas. Show No Mercy de 1984. Mais tout de suite, et là, je dois te surprendre aussi. Là. Oui, beaucoup. Mais oui, parce que c'est, il s'agit d'une pièce de Metallica. Metallica. Mais... il s'agit vraiment d'un solo, je trouve. Il est fantastique, le solo de Kirk Hammett là-dedans. Oui, c'est. Ben écoute, c'est pas un mauvais album, là. Non, non, c'est. Même c'est les deux seuls bons, vrais bons albums de Metallica. Le premier et le deuxième, Ride the Lightning. On va écouter la pièce-titre de cet album de 1984. Mais moi, je vous dis bye-bye. Ben, salut, Rockmaster, puis on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Mais vous, restez avec le Dr. Pendragon, ben, qui oui, est là le. Jusqu'à 17h. Ben, ouais. Et encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Hey, si vous écoutez la rediffusion en passant, c'est jusqu'à 19h. Bye-bye. We'll be right back.

dans la dimension rock-messie. The worst is yet to come. We'll be right back. Sepultura et la pièce Altered State tirée de Arise de 1991. C'était précédé de Slayer Evil Has No Boundaries. C'est tiré de Show No Mercy de 1984. Et Metallica! Qu'est-ce que tu penses, Arras, de Metallica? Exactement la même chose que moi. La pièce étant Ride the Lightning, tirée, ben c'est la pièce titre de cet album de 84. C'était les trois derniers choix de ce spécial millième émission pour meilleur solo du Rockmaster, parce que, bon, il m'observe encore, il est pas encore parti, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai, il s'en va pas, il faut juste voir comment que je vais s'aborder le reste de l'émission. Mais ceci étant dit, nous allons poursuivre dans une veine musicale tout à fait différente, plus qu'elle est progressive. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Dis-moi donc, mon cher tapageur, est-ce que t'aurais un mot à dire pour cette millième émission avant de quitter et de partir avec Alain? C'est très impoli. Parce qu'on sait qu'Alain va voir Ghost et que Tapageur est un fantôme. C'est you, Tapageur. On va continuer, comme je l'ai dit, dans une vague progressive avec Steve Hackett, entre autres. Mais tout de suite, allons-y avec Yes, l'excellente Roundabout, qui est, ma foi, emblématique de cette formation. Il est parti. Je suis bien content. On y va. Thank you. Yeah. L'excellente Everyday de Steve Hackett, troisième album solo de cet ex-guitariste de Genesis, l'album étant Spectral Morning de 1979. Moi, j'adore le solo de cette pièce qui clôt la pièce justement avec tout en étant très mélodique. Et chose étrange parce que j'aime pas vraiment les mélodies dans le métal, mais dans le rock, c'est essentiel selon moi. Juste avant, nous avions Yes et bien sûr l'incontournable Roundabout. C'est incontournable autant au niveau du succès de Yes avec cette pièce que de son solo, c'est tiré de Fragile de 1971 et 16h18, vous êtes toujours à l'écoute de Rock Classique, mais cette fois-ci, je suis en solo. Ben, presque en solo, parce que j'ai quelqu'un ici, mais elle veut vraiment pas communiquer avec moi. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour discréditer le Rockmaster, c'est toi qui est pas là. Je vais y penser puis je vais revenir avec ça 17h. Mais pour l'instant, on va continuer avec formation artiste canadien, devrais-je dire, Neil Young, qui n'est pas mon favori généralement parlant, mais avec lequel j'ai certaines affinités au niveau de certaines pièces, principalement de celle-ci, Over and Over. Et j'aime beaucoup le style. Par contre, en fait, je dois dire que j'aime le style, à certains moments donnés, très sloppy et même, je dirais, à la rigueur, un peu mal foutu de Neil Young. Et principalement dans cette pièce Over and Over, on va précéder ça. On va faire suivre ça plutôt avec ZZ Top, bon petit blues tiré de Real Meme. Donc, allons-y de ce pas. Vous êtes à Rock Classique.

Et la pièce Vincent Price Blues. Merci, merci, ça fait. C'est tiré de Real Mean de 1996. Très, album très blues en général. Qui est fort correct, je dois dire. Juste avant, nous avions Neil Young et sa pièce Over and Over qui fait très country, je dois dire. J'aime beaucoup, ben, pas le country généralement, mais cette pièce-là, tirée de Ragged Glory de 1990, qui était son 23e album sur à peu près 42, ce qui veut dire que quand même, là, on peut dire que Neil a une discographie assez bien garnie. 16h36, ben écoutez, j'aurai pas le choix, va falloir que je coupe dans le gras, j'aime ça, le faire, couper, pas le gras, mais bon. Ce qui veut dire qu'il y a des titres que je pourrais malheureusement pas diffuser pour ce spécial Le meilleur solo pour un millième de rock classique, mais je vais faire quand même les mentions. Il y avait School's Out d'Alice Cooper, tiré de l'album du même nom de 72. Il y avait Miss Ain de Michel Pagliaro, qui était tiré de Pagliaro Live de 73. Il y avait aussi Just Get Into It de Nazareth, pièce d'ouverture de l'album No Mean City de 79. Je vais faire un effort pour être capable de vous passer des trucs comme Corney Hatch et CDC encore, et voir Satan. Mais quoi qu'il en soit, tout de suite, on va changer de registre. On va y aller vers quelque chose de beaucoup plus rock, c'est-à-dire qu'on va entendre du Motorhead. Oui, Motorhead, ça en prenait dans l'émission, dans cette émission spéciale. Social Distortion, mais tout de suite, allons-y avec The Lords of the New Church et Little Boys Play with Dolls. Let's go! Now we're standing in the jungle. Bad. Évidemment, il s'agissait de Motorhead et l'excellente Killed by Death qu'on retrouve sur No Remorse, qui est paru en 1984, qui se veut une compilation des enregistrements, en fait, des principaux enregistrements qui avaient été faits à l'époque jusque-là de Motorhead. Juste avant, nous avions Social Distortion, une pièce tirée de leur quatrième album, Somewhere Between Heaven and Hell, de 1992, la pièce étant Bad Luck, qui, je dois dire, elle aussi avait une petite tendance légère au niveau du country, mais j'aime beaucoup le vocal de Mike Ness, j'aime beaucoup son jeu de guitare aussi, ce qui faisait que le solo, évidemment, me plaisait. Et on ouvre le bloc avec The Lords of the New Church, une pièce très rock and roll, soit Little Boys Play with Dolls, tirée du premier album de 92, soit The Lords of the New Church. Et ici encore, je dois dire que ce solo-là, je ne m'entendrai probablement jamais. Il est 16h51, et là, je vais dire la parole est célèbre, l'émission s'achève. On va probablement terminer avec ce qui suit, c'est-à-dire un petit bloc de trois pièces qui comporte une pièce de Satan, soit Trial by Fire, qui est tiré du premier album Court in the Act de 1987. Qu'est-ce que je dis là, 1987? C'est n'importe quoi. C'est probablement plus 1984. On s'en fout. On va avoir AC/DC qu'on a déjà retrouvé auparavant dans l'émission, cette fois-ci avec une pièce de Back in Black de 80, soit Shoot to Thrill. Et dans quelques instants, Corny Hatch et les pièces d'ouverture de leur premier album de 82, soit Devil's Deck, qui était tiré de l'album My Name Corny Hatch. Je crois pas avoir le temps de vous passer autre chose. Je vous rappelle que la semaine prochaine, ici même à Rock Classique, c'est le traditionnel 3 pour 1, en compagnie de mon bon ami Rockmaster et de moi-même. Bon, moi, je suis pas mon bon ami, mais bon. Cette semaine, à réanimation, j'espère pouvoir vous présenter, mais je crois que je vais pouvoir le faire, le nouvel album d'Aggression qui sortait aujourd'hui même. Et je vous incite aussi à écouter ce soir dès 18h30 sur les ondes d'Underground Québec notre ami DJ Tower of Death et son émission Subversion. Tower qui a fait un gros travail pour rendre hommage à Rock Classic aujourd'hui, on le remercie encore énormément. J'en profite pour dire à mon invité actuellement, Mademoiselle Melody Page, qui est la fille du Rockmaster, qui ne veut pas parler au micro, que... J'imagine qu'elle est très fière de son père tout de même, n'est-ce pas? Elle fait signe que oui. Bon, j'imagine que j'ai décodé le signe de tête de oui comme étant un vrai oui. Et aussi, je remercie moi aussi Alain pour toutes ces années de diffusion musicale en ondes ici à C'est Fou ces dernières 20 années pour nous avoir prodigué toujours de l'excellente musique, mais aussi pour nous avoir appris énormément de choses, et moi le premier, je dois dire. Et le remercier aussi encore pour me permettre de me joindre à lui à chaque semaine, ou pratiquement, pour être capable de l'accompagner dans ce cheminement musical, cette diffusion, cette information musicale, et aussi me permettre de dire plein de niaiseries. Donc, ceci étant dit, je vais vous laisser avec ces trois pièces qui sont consécutivement Devil's Deck de Corney Hatch, Show to Thrill des CDC et Trail by Fire de Satan, ce qui clôt ce spécial Nos meilleurs solos. Évidemment, soyez des nôtres la semaine prochaine dès 11h pour notre édition rock classique. D'ici là, see you!